maintenant. Listen very well. Merci, suis attentivement. If only he, si seulement lui, has the merit to open, to break the seals and open the scroll, a le mérite de briser le sceau et d'ouvrir le livre, then I can tell you that now I know a bit of the secret of the scroll. Je peux vous dire que maintenant je connais un peu le secret du livre. Something tells me, quelque chose me dit, that inside there, à l'intérieur de ce scroll, is written the secrets, a été écrit le secret about the deliverance of the church into heaven. Sur la délivrance de l'église vers le ciel. So that's what he did on the cross. C'est ce qu'il a fait à la croix. Amen. Very good. Thank you, Michael. Merci, Michael. Now look at this. Maintenant, regardez ceci. That is chapter 5. Ça, c'est le chapitre 5. The scroll. Le rouleau. Chapter 6. Now, chapitre 6. Revelation chapter 6. Apocalypse 6. Is now the message for you. Now, that is the reason. Ça, c'est la raison. That the church is fallen. Que l'église est en train de tomber. That is why there is apostasy in the church. C'est la raison pour laquelle il y a l'apostasie dans l'église. Because the church, parce que l'église, they thought that this is Jesus. On leur avait dit que celui-ci c'est Jésus. This is not Jesus. Celui-ci ce n'est pas Jésus. Why? Pourquoi? Do you remember the vision of the two wedding rings? Rappelez-vous de la vision des deux anneaux de mariage. Then he showed me the powerful white horse. Après, il m'a montré le cheval puissant blanc. Do this. Fais ceci. Hold this page. Hold it. Gardez la main sur cette page ici. As you turn to Revelation 19. Et puis tournez à Apocalypse 19. Verse 11 onwards. À partir de verset 11, today your eyes are being opened. Aujourd'hui vos yeux vont s'ouvrir. You will never be deceived again. Vous serez plus séduit encore. Listen what you have held the other page. Gardez la page du chapitre 6, mais allez à Apocalypse 19. Begin now from verse 11. Commencez maintenant à partir du verset 11. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and makes war. Puis-je vis le ciel ouvert, et voici parler un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. He has a name written on him that no one knows but he himself. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Et il a été vêtu d'un vêtement plein de sang. Son nom est la Parole de Dieu. The armies of heaven were following him, riding on white horses, dressed in fine linen, white and clean. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Out of his mouth comes the sharp sword with which he strikes down the nations. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. He will rule them with an iron scepter, and he keeps the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Il le pètera avec une grosse fer. Il foulera la pure du vin de la bande de du Dieu Tout-Puissant. On his robe and on his thigh, he has a name written, King of Kings and Lord of Lords. Il avait sous sa vêtement et sous sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. You see the Messiah. Vous voyez le Messie ici. But the church, mais l'Église, believed the other horseman to be Christ. Il pensait que l'autre cavalier du cheval blanc était le Messie. Look here. Regardez ici. The Messiah, le Messie, comes on a white horse. Il vient sur un cheval blanc. The one I saw beyond the wedding ring. Celui que je vis derrière les anneaux de mariage. And he's seated on a white horse. Et il est assis sur les anneaux. And he has a crown. Il est assis sur le cheval, il a une couronne. Many crowns. Il a plusieurs couronnes. This other liar, l'autre menteur là, is also on a white horse. Il est assis sur le cheval blanc. And he has one crown. Et il a seulement une couronne. The Messiah has a sharp sword. Le Messie a une épée dans sa bouche. un âne. Cela veut dire qu'il a des flèches derrière lui. He has a bow. Il a un arc. Which means he has arrows here. Cela veut dire qu'il a des flèches là. When you have a bow, you must have arrows. Quand tu as un arc, tu dois avoir des flèches pour lancer, pour tirer, pour tirer. The Messiah has a sharp sword. Le Messie, lui, il a l'épée à deux tranchants. This liar has a bow and I'm sure with arrows. C'est le menteur a un arc avec des flèches. The Messiah comes to conquer. Le Messie vient pour conquérir. This liar comes to conquer. Le menteur ici vient aussi pour conquérir. Who is this man? Qui est celui-ci? Obama, you say. Sorry? Yes, you say. Sorry, what? No, I'm shocked at the answers in this place. Do you remember when Jesus said? Rappelez-vous ce que Jésus a dit. One is coming. Quand il vient, that will say, will claim to you, I am the Christ. Il y a quelqu'un qui vient va dire, je suis le Christ. And will deceive many. Et il va séduire plusieurs. The Messiah on the white horse. Le Messie sur le cheval blanc. He is on the white horse. Il est sur le cheval blanc. The Messiah has a crown. Le Messie a une couronne. He has a crown. Lui aussi a une couronne. But the Messiah has many crowns. Mais le Messie a plusieurs couronnes. The Messiah comes to conquer. Le Messie vient pour conquérir. He also comes to conquer. Lui aussi vient pour conquérir. Do you know the meaning of he comes as a conqueror bent on conquest? Vous savez la situation qu'on vient pour conquérir afin de vaincre. Let me give you the meaning of that. Laissez-moi vous donner la situation de cela. Michael, rather record me here. Hey, this person has a problem, eh? A very severe problem, brother. For 7 years, right? Can you get me another camera? Thank you so much. If he misses this, he's finished. Oh yes, this is very critical because we need to take it beyond here. C'est très important parce qu'on doit mener ça au-delà d'ici. Oh, oui. There's a problem, right? You're raising to the bishop council? Thank you so much. Now listen to this somebody. Écoutez ceci. He is trying to look like the Messiah. Il essaie d'apparaître comme le Messie. Watch out that nobody deceives you, huh? Faites attention que personne ne vous séduise, hein? Be careful. Faites attention. And I say, the false prophecy is deception. Et je dis que la fausse prophétie, c'est la séduction. La déception. This horseman, his name is called deception. Cet cavalier, son nom, c'est la séduction, la déception. Spiritual deception. C'est une déception spirituelle, une séduction spirituelle. And then the question becomes. Alors la question devient. Why would the Lord send such a bad person to the church? Pourquoi le Seigneur avait tel mauvais personne à l'église? Why is it not such a bad person to the church? Pourquoi le Seigneur avait-il tel mauvais personne à l'église? Listen to this. Écoutez ceci. When the Lord looked at the heart of Israel, quand le Seigneur regarde le cœur d'Israël, the heart of Israel, le cœur d'Israël, he said Jeremiah. Il dit Jérémie. And Jeremiah stood in the valley of Ben Hinnom. Quand Jérémie se lève dans la vallée de Ben Hinnom. Ben Sheli, Ben Hinnom. Ben Hinnom, Ben Sheli. The sons of Hinnom. Les fils d'Hinnom. He stood in that place which was stinky with garbage and dead dog. Il est debout à cet endroit qui sent mauvais, qui est poubelle. And he pointed at the temple of the Lord of Mount Moriah. Il pointe sur le temple de Dieu qui est à Mount Moriah. Because the Lord told him. Parce que le Seigneur a dit. I will not give you my message. Je ne vais pas te donner mon message. Until you reach the valley of Ben Hinnom. Jusqu'à ce que tu arrives à la vallée de Ben Hinnom. That's where the potters were building the pots. C'est là où les potiers construisaient leurs pots. They were taking the old pots, breaking and mixing with soil and working on the wheel. Ils prenaient, building a new pot. Ils prenaient les anciens pots, les cassaient, les ramassaient, ils faisaient de nouveaux pots. And he told Jeremiah, il dit à Jérémie, point your prophetic finger to the house of the Lord. Pointe ton doigt prophétique à la maison du Seigneur. And ask them, et demande-le, to repent, de se repentir. And tell them, et dis-le, can the potter make in you a new pot? Est-ce que le potier peut faire de vous un nouveau pot? They did not understand. Ils n'ont pas compris. And he said, et il dit, If you don't repent, si vous ne vous repentez pas, and allow the Pope to make a new Pope, et permettre au portier de vous, I see a new Pope. I see commotion coming from the north. Je vois, il y a une invasion qui vient du nord. I see mayhem coming from the north. Je vois la désastre qui vient du nord. Destruction coming from the north. Je vois la destruction qui vient du nord. Listen to this. Écoutez ceci. That's amazing. Ça c'est étonnant. That is the house of Jehovah. Ça c'est la maison de Jéhovah. And then, because they refused to repent, alors, puisqu'ils ont refusé de se repentir, do you know that the smell that was coming from there was bad? Vous savez que l'odeur qui venait de là-bas était très mauvais. The dead cats, dead dogs, the garbage. Les chiens morts ont jeté dans cette poubelle-là. The rich people lived up and they threw the garbage down. Là où les gens habitaient, ils jetaient la poubelle à cet endroit-là. And in that place, et à cet endroit, the Lord was saying this. Le Seigneur disait ceci. Tell the house of Jacob. Dis à la maison de Jacob. That because of the corruption in the temple. La corruption dans les temples. The sacrifice they are offering me. Les sacrifices qu'ils sont en train de me présenter. They think it is a high worship. Ils pensent que c'est une adoration élevée. But, but tell them, mais dis-leur, it is not a high worship. Ce n'est pas une élévation élevée. Tell them that when they worship me in that corruption, quand ils m'adorent dans cette corruption, dans cette immoralité, that pornography, dans cette pornographie, false prophets, les faux prophètes, false apostles, les faux apôtres, gospel of prosperity, l'évangile de la prospérité, worshiping the calf. Adorant leur veau, the golden calf, le veau d'or, that is prosperity. Ça c'est la prospérité. When they do that, quand ils font cela, when the worship comes to me, quand l'adoration arrive à moi, it smells like the stench of where you are standing. Ça sent l'odeur mauvaise de l'endroit où tu te tiens. And then, when Nebuchadnezzar attacked the temple of God, alors quand Nebuchadnezzar a attaqué le temple de Dieu, he sent Nebuzaradan. Il a envoyé Nebuzaradan, the commander of the Babylonian army. Le commandant de l'armée de la Babylone. Now look at this. Écoutez ceci. The Lord says in the Bible. Le Seigneur dit dans la Bible. And then the Lord raised Nebuchadnezzar, his servant. Et le Seigneur a élevé Nebuchadnezzar comme son serviteur. His servant again. Serviteur encore. Okay, can you just face one direction to the microphone? Thank you so much. He says, he raised Nebuchadnezzar, his servant. Il dit, il a élevé Nebuchadnezzar, son serviteur. Nebuchadnezzar to be his servant. Nebuchadnezzar était son serviteur. I was shocked. J'étais choqué. Coming to destroy the temple of Jehovah. Venir détruire le temple de Jehovah. Listen to this. Écoutez ceci. Jeremiah saw a prophecy. Jeremiah a vu une prophétie. And when he was prophesying to the temple of the Lord. Et quand on prophétisait au temple du Seigneur. Jeremiah had seen. Jeremiah avait vu. That the dispensation of this physical corrupt temple. Que la dispensation de ce temple physique corrompu. Was gone. Était déjà fini. Its utility had come to an end. Son utilité était arrivée à son terme. And Jeremiah, if any, Israel did not know. Israël n'a pas su. That Jeremiah had seen the dispensation of the advent of the Messiah. Que Jérémie avait vu la l'avènement du Messie. Yes, you need to repeat because it's broken again. I don't know. They will just prepare for you another microphone. Just repeat. Jeremiah had seen. Jérémie avait vu the dispensation of the coming of the Messiah. La dispensation de la venue du Messie. He had seen. Il a vu the dispensation of the spiritual temple. La dispensation du temple spirituel. And listen to this. Écoutez ceci. That's why he said. C'est pourquoi il dit that a voice crying in Ramah. Et une voix qui crie à Rama. And Rachel refusing to be comforted. Et Rachel refuse d'être consolée. Because her sons are no more. Parce que ses fils ne sont plus. They are torn away from her. Ils ont été enlevés. And they are no more. Ils ne sont plus. That is powerful. Ceci est puissant. That prophecy is double tire. Cette prophétie a double titre. And has a third tire. Et a une troisième dimension. Double tire. Double dimension. And the third time. Et la troisième. Listen to this. Écoutez ceci. When Nebuzaradan, the commander of Babylonian army came. Quand Nebuzaradan, le commandant de l'armée babylonienne est arrivé. He destroyed the temple. Il a détruit le temple. Let me share with you something. Laissez-moi partager avec vous quelque chose. The Bible says that Jeremiah is a weeping prophet. La Bible dit que Jérémie est un prophète pleurant. Recently, récemment, when I come from Venezuela, quand je revenais de Venezuela, I gave a prophecy. Those of you who are tuned on the radio, you must have heard it. J'ai donné prophétie. Ceux qui suivent la radio, vous avez entendu cela. It was amazing to me. C'était étonnant pour moi. Because the Lord showed me a vision. Parce que le Seigneur m'a montré une vision. And he took me to Israel. Il m'a amené en Israël. And then he showed me Hezbollah in South Lebanon. Mais il m'a montré Hezbollah au nord du Liban. In that mighty vision of the Lord. Dans cette grande vision du Seigneur. And when I looked at Hezbollah, quand je regardais au Hezbollah, I saw some traps. J'ai vu quelques attrapes. It's 2 weeks ago, so the prophecy. Yeah, 2 semaines de cela la prophétie. I saw some traps which were covered disguised. J'ai vu des endroits ils ont gardé ces choses. They were covered and disguised. Ils étaient gardés and hidden. Et cachés. What their content was hidden, covered. Le contenu était couvert et caché. And when I looked at, the Lord allowed me to look at the tracks of Hezbollah. Et le Seigneur m'a permis de voir le plan de Hezbollah. I saw them open the tracks. J'ai vu ouvrir les plans. And they began downloading tanks. Et ils ont commencé à mettre des tanks. Armored personnel carriers. Les personnels de l'armée. It's called APC, armored personnel carriers. Ça s'appelle IPC. These are huge tanks with a barrel like this. C'est des grands tanks avec des troncs grands comme ça. And there were 2 trucks. Il y avait 2. They were downloading the tanks. Ils étaient en train de décharger les tanks. And when I looked like this, et quand je regardais, then I weep. Alors je pleurais. The Lord made me weep so hard. Le Seigneur m'a fait pleurer très fort. When I saw what they were going to do to Israel. Quand j'ai vu ce qu'ils allaient faire à Israël. Recently, about 2 weeks ago. Yeah, 2 semaines de cela. That's a prophecy I gave 2 weeks ago. Globally. Prophecy que j'ai globally. À la radio, il y a 2 semaines en direct. Which means there is going to be a ground war. Ça veut dire qu'il y aura une guerre de terre. The Lord now releases his secret to his prophet to see, to reveal it. Le Seigneur maintenant donne ses secrets à ses prophètes pour voir et pour donner ça. So they can pick it now and prepare. Afin qu'ils puissent considérer cela et se préparer. Or pick it and destroy it. Ou bien les détruire. Amazing it would happen. Peut-être ça va arriver. But I was so shocked because I wept. J'étais choqué parce que je pleurais. I wept so hard when I saw. Je pleurais amèrement quand j'ai vu cela. And I saw another meeting in Israel. They were meeting there. Et j'ai vu notre rencontre. Israël s'est rencontré là-bas. When Jeremiah saw the destruction of the temple coming, quand Jérémie a vu la destruction du temple arriver, he wept. Il a pleuré because he saw, parce qu'il a vu, the dead bodies smoldering in the temple. Les corps cadavres étaient là dans le temple, smoldering with smoke, dead bodies. Le corps était brûlé, ça brûlait dans la fumée. He saw the whole temple demolished and burnt down. Il a vu tous les temples être démolis et puis brûlés. And he saw Rachel wailing at Rama. Il a vu Rachel en train de pleurer à Rama. Listen to me very carefully now. Suivez-moi attentif maintenant. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. When Rachel was wailing at Rama, quand Rachel pleurait à Rama, now listen to this. Écoutez ceci. When Nebuzaradan attacked the temple, quand Nebuzaradan a attaqué le temple, he gathered everybody. Il a rassemblé tout le monde. To Rama, à Rama. At Rama, he gathered all the slaves. À Rama, il avait rassemblé tous les esclaves. And what they used to tie one chain. Ils attachaient une chaîne. Pastor, yeah, look this way. They used to tie one chain. Ils attachaient une chaîne. On one person. Sur une personne. It here another person. Là une autre personne. It went like this. Et ça allait comme ça là. And when Nebuzaradan. Et quand Nebuzaradan. When Nebuzaradan gathered them there, quand Nebuzaradan les a rassemblés là-bas, he was checking because the journey is long. Il vérifiait parce que le voyage est long. He was checking which slave is strong enough to make the journey. Il regardait quel est l'esclave qui est fort, assez fort pour faire le voyage. Packing the matter, this one is strong, this is good, eh? This is a good slave, it's very strong. Celui-là il est fort, c'est un bon esclave. Packing the back. Okay, il prépare vers le dos. Oh, this one is strong. How about this one? He was inspecting them. Il les inspectait. And when he was inspecting them, et quand il les inspectait, when he was inspecting the slaves of Rama, quand il inspectait les esclaves à Rama, Nebuzaradan, the commander of the Babylonian army, Nebuzaradan, le commandant de l'armée babylonienne, then he met Jeremiah in the line. Il a rencontré Jérémie sur la ligne. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. Sometimes when you give prophecy, the fois que tu donnes une prophétie, me my worry is always to be caught up in it. Moi, mon problème c'est d'être attrapé dans la prophétie. There is a country I walked in and I gave a prophecy of an earthquake. Il y a un pays où j'ai donné une prophétie sur les tremblements de terre. And I was in a suburb called Morion. J'étais dans un palais appelé Borion. And I say tonight when the midnight hour comes. Et je dis ce soir quand il va être minuit. I was speaking, then I said the earthquake will take place. Et j'ai dit il y aura un tremblement de terre. But the problem, I was in a hotel. Mais le problème c'est que j'étais à l'hôtel. And I was in a very high floor. Et j'étais à un niveau très élevé. 11th floor. Au 11e étage. And so when I went back now after the preaching in Borion. Après que j'ai prêché à Borion. And then I went now to the 11th floor. Alors je suis allé au 11e étage. And then I immediately fell asleep on the bed. Et puis soudainement je me suis couché sur le lit. And I saw myself. Et je me suis vu moi-même running, en train de courir. Running for my life. Je courais pour sauver ma vie. I almost jumped the 11th floor down. J'ai failli sauter du 11e étage. When the midnight hour just struck like this, God, minuit a frappé comme celui-ci. Oh, my heart has never come back here. Oh, mon cœur n'est jamais revenu en place depuis. The earthquake that struck that country, le tremblement de terre qui a secoué ce pays-là, and the tall building, et tous les buildings qui a secoué les lamps, les lampes, et les lampes, les lampes, les lampes, à gauche, à droite. I ran. J'ai couru to the door, dans la porte, and the exit was far. Et la sortie était loin. Running and crying. J'ai crié, j'ai couru. And I don't know how, you know the stairs. Vous savez les escaliers. I was jumping 5-6 stairs. J'ai sauté 5-6 étages à la fois. But I did not get broken. Mais mon pied n'était pas cassé. When I ran down, quand je suis arrivé en bas, there was a big swimming pool in front of the hotel. Il y avait un grand piscine devant l'hôtel. And look at how bad the earthquake was. Voyez comment le mauvais était le tremblement de terre. Water in the pool was just wah. L'eau était sauté wah and roaring out. Et ça sautait wah. This side, de l'autre côté ça sautait. We were standing like this. On était comme cela. We ran away from the building third floor. Nous courons parce qu'on avait peur que le building tombe sur nous. It happened to Jeremiah. C'est arrivé aussi à Jérémie. They called him also. Ils l'ont attrapé lui aussi. Listen to this. Écoutez ceci. When Nebuzaradan, the commander of Babylon, quand Nebuzaradan, le commandant de Babylone, was inspecting the people, il inspectait les gens. He met Jeremiah. Il a rencontré Jérémie. And he said, hey, let it, hey, Jeremiah, Jérémie, is this you? C'est toi. And then he looked at the Israelites. Et puis il regarde les Israélites. Are you the people that refuse to listen to this man? Êtes-vous les gens qui ont refusé d'écouter cet homme? Be careful. Faites attention. The Lord can make you hear from somebody else. Le Seigneur peut vous faire écouter de quelqu'un d'autre. The same message. Le même message. Are you the people that refuse to listen to the Lord? Êtes-vous les gens qui refusent d'écouter le Seigneur? And he unchained Jeremiah, removed him from the line. Il a pris Jérémie, l'a sorti de la ligne. And he told him, go to another guy there. We have raised him to govern this place. He will cook for you small food and give you a small cube so you eat there. Il dit, va chez quelqu'un qu'on a préparé, il va préparer pour toi l'outil, il va te donner paix à manger. There was corruption in the house. Il y avait la corruption dans la maison. The house of Jehovah. La maison de Jehovah. And Jehovah said, please repent. Et Jehovah dit, s'il vous plaît, repentez-vous. Please repent. S'il vous plaît, repentez-vous. You are destroying my temple. Si vous avez détruit mon temple. Immorality. L'immoralité. False prophet. Le faux prophète. False apostle. Le faux apôtre. Gospel of prosperity. L'évangile de la prospérité. Pornography. La pornographie. If you refuse. Si vous refusez. Commotion is coming. L'invention va arriver. Destruction is coming. La destruction va finir. Listen to this. Écoutez ceci. And he said, I raised my servant Nebuchadnezzar. Et Dieu dit, j'ai élevé mon serviteur Nebuchadnezzar. To attack the temple of the Lord. D'attaquer le temple du Seigneur. And destroy it. Et de le détruire. Listen to this. Écoutez ceci. The Lord has looked at the heart of the church. Le Seigneur regarde au cœur de l'église. He has looked at the heart of men. Il a regardé le cœur des hommes. He has looked at your hearts. Il a regardé vos cœurs. Repent. Repentez-vous. Repent, please. Repentez-vous, s'il vous plaît. Turn away from evil. Éloignez-vous de mauvaises choses. Okay. Okay. If you like deception, si vous voulez la séduction, now I give you more. Alors je vais vous donner plus de déception. You understand Jehovah? Vous comprenez Jehovah? Don't fool around with Jehovah. Ne jouez pas avec Jehovah. He sent him to destroy his own house. Il a envoyé des gens pour détruire sa propre maison. His name is spiritual deception. Son nom c'est des séductions spirituelles. The rider of this white horse. Le cavalier de ce cheval blanc. He is not the Messiah. Il n'est pas le Messie. What does he bring to the church? Qu'est-ce qu'il amène à l'église? He brings to the church. Il amène à l'église the world. Le monde. And he uses this. Il utilise ceci. He uses the word. Il utilise la parole. He said, ah, don't worry. Il dit, ne vous inquiétez pas. We are living in the postmodern era. Nous vivons dans un temps postmodern. No, don't be legalistic. Ne soyez pas légalistique. Don't dress more like that. That's legalistic. Ne vous habillez pas sexuellement comme ça, ça c'est légaliste. We are living in a modern country called Canada. Nous sommes dans un pays moderne appelé Canada. And we are living in the modern day. Nous vivons dans un temps moderne. He brings the postmodern world in the church. Il amène le monde postmoderne dans l'église. If you see the dressing of the daughters of God in the church, si tu vois l'habillement des filles du Seigneur dans l'église, they look for dressing out there designed for immorality. Ils regardent les habillements qui sont désignés pour l'immoralité dehors. And they bring it in the church. Et ils amènent ça à l'église. Listen to what he does. Écoutez ce qu'il a fait. He compromises the gospel. Il compromet l'évangile. He says, il dit, we are modern Christians. Nous sommes des chrétiens modernes. Don't worry, there is the grace of God. Ne vous inquiétez pas, la grâce de Dieu. The grace of God. La grâce de Dieu. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. We are living in the dispensation of the grace. Nous vivons dans le temps de la grâce. He abuses the grace of God. Il abuse de la grâce de Dieu. That's why the Lord showed me yesterday. Parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a montré hier. That there is so much abortion in the church in Canada. Il y a beaucoup d'avortements dans l'église au Canada. And the voice said, "Are you the one who are aborting?" Et jusqu'à ce que ils avortent. And then today. Et aujourd'hui, after the TV recordings, après l'enregistrement de la télévision, when I went, I fell asleep. Quand je me suis allé coucher un peu, then he showed me, I don't know which worship members here. Je ne sais pas quel membre de la chorale ici. They go together and sleep at another boy's place, I think something like that. Ils vont là-bas coucher dans un endroit avec d'autres garçons quelque part. He lies to the church. Il ment à l'église. He tells the church. Il dit à l'église. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Jesus loves you. Jésus vous aime. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. There is so much grace. Il y a beaucoup de grâce. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. There is so much love. Il y a beaucoup d'amour. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. You can do anything because there is liberty in salvation. Vous pouvez faire tout parce qu'il y a la liberté dans le salut. Then you get women dressing in the church like in the world. Et vous voyez les femmes habillées dans l'église comme dans le monde. Then you get the young men dressing the church like in the world. Vous voyez les jeunes dans l'église comme dans le monde. You get the pastor saying, no, I have to enjoy my ministry. Et le pasteur dit, je dois me réjouir dans mon ministère. The girls in the church love me. What's wrong with that? Les filles dans l'église même, qu'est-ce qu'elle demande dans ça? Those are my sheep. Ce sont mes brebis. They love me. Ils m'aiment. And then step by step. Et pas à pas. He's enjoying that. Il apprécie cela step by step, étape par étape. Then you find your falling. Et puis, bam, tombe dans le péché sexuel. With them. Avec elle. This is the most dangerous of the four horsemen. Ça, c'est le cavalier le plus dangereux des quatre. is on you. Celui-ci, c'est le plus dangereux. Then you have pastors giving pregnancy to the girls. Et vous voyez que les pasteurs sont en train d'engrosser les filles à l'église. You bring your wife, you bring your daughter to the church. Vous amenez vos filles à l'église. And the pastor impregnates your daughter. Et le pasteur engrosse vos filles. You bring your daughter to the church. Vous amenez vos filles à l'église. She joins the worship team. Il choisit à la chorale. And then she asks for a vote. Et puis, il engrosse et puis demande à la fille d'avorter. This is the most dangerous of the four horsemen. Il est le plus dangereux des quatre cavaliers de chevaux. Because parce que he destroys the soul. Parce qu'il détruit les âmes. Watch out that nobody deceives you, huh? Peut-être que personne ne vous séduise. Sitting on the rock. Il est assis sur le roc. Watch out. What? They will come and they say, I am the Christ. Ils vont venir disant, je suis le Christ. Meaning they will look like me. Ça veut dire qu'ils vont me ressembler. They will pretend to be me. Ils vont prétendre être moi. The church did not question this man. L'église n'a pas interrogé cet homme. This man came as a conqueror. Cet homme est venu comme un conquérant. Bent on conquest. Venant pour vaincre. And listen to me. Écoutez-moi. Ha. You know the meaning of conqueror. Avez-vous la signification de conquérir? Bent on conquest. Pour vaincre. Listen to this, somebody. Écoutez ceci, quelqu'un. You know the meaning of conqueror. Vous savez-vous la signification de conquérir? Bent on conquest. Allez pour vaincre. Meaning. Ça veut dire, when he's coming to conquer, quand il vient pour vaincre, he is not ready to take anything except victory. Il est prêt à prendre rien d'autre que la victoire. He will not take anything else. Il ne prendra rien d'autre except victory. Si ce n'est la victoire, he is coming as a conqueror. Il vient comme un vainqueur. Prêt on conquest. Prêt pour vaincre. It means he must get victory. Ça veut dire qu'il doit avoir la victoire. When you look at the church today, quand vous regardez l'église aujourd'hui, oh, surely he conquered the church. C'est vrai qu'il a conquéri l'église. When you look at the condition of the church today, quand vous regardez la condition de l'église aujourd'hui, oh, surely he has conquered. And for me, il a déjà conquéri l'église, mais pour moi, for me it is very painful. Pour moi c'est très pénible. Because I go all over the earth. The Lord sent me to every nation all over the earth. Parce que je fais part toute la terre. Dieu m'envoie dans toutes les nations de la terre. And every nation I come to. Et par dans quelle nation où j'arrive, the church is really fallen on the floor. L'église est tombée par terre. The dressings, you know, the tight trousers. Les habillements serrés. What? The robe. They think it is normal. Ils pensent que c'est normal. Oh. He has really conquered the church. Il a réellement conquis l'église. Jesus said. Jésus a dit. You see this beautiful temple. Voyez-vous ce beau temple. A time is coming. Il y a un temps qui vient. When it must be brought down. Où il sera démoli. And not even one stone will remain. Il ne restera plus pierre sur pierre. This horseman. Ce chevalier, he really broke the temple down. Il a réellement renversé le temple par terre. It is up to a point. C'est jusqu'au point. When the Lord shows me, quand le Seigneur m'a montré, he shows me some of your leading evangelists in the world. Il m'a montré certains de vos évangélistes leaders mondiaux. The ones you see with private airplanes and on TV. Ceux que vous voyez avec les avions privés et à la télévision. He brings the letters when I sleep. He brings the love letters to me. Quand je dormais, il a amené une lettre d'amour à moi. Divorce your wife now. If you don't, I can't wait for you anymore. Divorce ta femme maintenant. Si tu ne veux pas, je ne peux plus t'attendre maintenant. I cannot wait for you longer. Je ne peux plus attendre. And the Lord shows me they are eating in the gym. Et le Seigneur m'a montré comment ils mangeaient dans le gym. And then they shower, they go to the sixth floor Japanese restaurant. Après, ils ont pris la douche, ils sont allés dans un restaurant japonais. They eat there. Ils ont mangé là-bas. After that, when they are entering the room for sexual sin. Après, dans la chambre pour le péché sexuel. The person of the Holy Spirit. La personne du Saint-Esprit. At the door. À la porte. He brings me at the door. Il m'a amené jusqu'à la porte. Then he stands here. Et puis il était debout là. Then he says, look now. Il me dit, regarde maintenant. He shows me all. Il m'a tout montré. saint. Ce chevalier. He has really brought down the church. Il a réellement renversé l'église. Because now the church. Parce que maintenant l'église. Is a modern church. Est une église moderne. If you say please. Si tu dis s'il te plaît. Evangelist. Evangelist, can you come to my country? Peux-tu venir dans mon pays? Prepare $250,000, put in my account first. Il dit, prépare $250,000, mets d'abord dans mon compte. This horseman, ce chevalier, he has destroyed the church of Christ. Il a détruit l'église du Christ. He has brought down the temple of the Lord. Il a renversé le temple de Dieu. Last. Lasting, sexual lust. Oui, Codicia sexual. In Spanish. La convoitise sexuelle. This is the horseman that brought it. C'est ce chevalier qui a amené cette convoitise. Their eyes are hot. They are hot with lust. Ces yeux sont chauds pour la convoitise. Their eyes are hot with lust. Ils sont chauds pour convoiter. This horseman, ce chevalier, because he has brought money at the center of the church, parce qu'il a mis l'argent au centre de l'église, and women are enjoying in the church, et les femmes se réjouissent à l'église, they are enjoying, il aime cet homme, and the men are enjoying in the church, et le monsieur aussi se réjouit à l'église, and yet the Lord is saying, alors le Seigneur dit. I see the church presenting herself. Je vis l'église se présenter elle-même. And time is over. Et le temps est fini. Prepare. Préparez. Holiness. La sainteté. Holiness. La sainteté. Holiness. La sainteté. Without holiness. Sans la sanctification. Nobody sees the Lord. Personne ne verra le Seigneur. Verset 3. When the Lamb opened the second seal, I heard the second living creature say, come. Then, come. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. When the Lamb opened the second seal, I saw the second living creature. I heard the second living creature say, come. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take away peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a big sword. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre, de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. He says there, il dit, la power was given to him that sat thereon to make peace from the earth, to take peace from the earth, and that they should kill one another. Kill one another. Un pouvoir lui a été donné pour enlever la paix sur la terre afin qu'ils puissent tuer les uns les autres. War in Iraq. La guerre en Irak. War in Iran. La guerre en Iran is coming. Cela arrive. Can I describe to you that vision? Est-ce que je peux vous décrire cette vision? 7 years ago. Il y a 7 ans là. September 27, 2005. Le 27 septembre 2005. In that vision of the Lord. Dans cette vision du Seigneur. He showed me 2 missiles. Il m'a montré 2 missiles. They come. Ils sont venus. And they strike a nuclear facility by the foot of the mountain. Ils ont détruit un hangar de nucléaire au sommet d'une montagne. By the foot of the mountain. Au pied d'une montagne. In the desert. Dans le désert. And when they stop, when the missiles are going, et quand les missiles allaient, their tail is turning. Ils se sont tournés. Like this. Ils tournaient comme ça. Slowly as they have been fired. Doucement avant qu'ils puissent frapper. But when they strike the nuclear facility by the mountain. Quand ils ont frappé les bâtiments nucléaires au bas de la montagne. The biggest explosion that ever happened since the earth was created. Il y a eu une grande explosion qui est arrivée que le monde, la terre n'a jamais connu depuis que la terre est créée. The biggest explosion takes place. La plus grande explosion que la terre n'a jamais connue a eu lieu. And the flame that comes out of that explosion. Et la flamme qui est sortie de cette explosion. Is the biggest flame that the earth has seen since she was born. C'est la plus grande flamme que la terre n'a jamais vue depuis qu'elle est créée. And it goes almost as far as Isis. Et ça va juste là où ça se trouve. And it also goes so far in the west. Ça va juste vers l'ouest. And it also goes from the earth almost up to heaven. Et cette flamme va de la terre jusqu'à atteindre presque le ciel. And inside the flame. Et à l'intérieur de cette flamme. A small flame. Il y a des petites flammes, des petites flammes, des petites flammes. Inside small flame. Il y a des petites flammes. Cool. Small flame. Cool. Cool. Des petites flammes à l'intérieur là-bas. And I can wonder who is going to strike. Je me demandais qui va frapper. Then the Lord began to speak to me about Israel. Alors le Seigneur commence à me parler d'Israël. He began to take me to the meeting where they're planning the war. Il commence à m'emmener dans les réunions où ils planifient la guerre. I sit there in the spirit, they don't know. Et je me suis assis là en esprit, ils ne savaient pas. And they plan everything, and then the Lord tells me how they are going to strike. Ils ont planifié toutes choses et le Seigneur m'a montré comment ils vont attaquer. I have seen the aircraft go and they came back all safe to the base. Et je vis l'avion partir et revenir à la base en sécurité. Alléluia. The Lord will protect Israel. Le Seigneur va protéger Israël. Alléluia. And I heard them say, je les ai entendus dire, I don't want to share those secrets of Israel. Je ne vais pas tout dire parce que ce sont les secrets d'Israël. But now I am convinced. Maintenant je suis convaincu that those two missiles might be nuclear missiles. Que les deux missiles doivent être les missiles nucléaires. That demolish totally. Qui va tout démolir. I have been going all over the earth speaking about this. Je suis allé partout dans le monde pour parler de cela. They say it will take place. Et je dis cela va arriver. But that war also speaks about the timeline. Et mais cette guerre parle aussi du temps de la fin. That is not the war of Ezekiel 38. Ce n'est pas la guerre d'Ézéchiel 38. This is a war that will cause Israel and the Arab nations to long for peace. Ça, ça va être la guerre qui va pousser que les Israélites et les Arabes cherchent réellement la paix. And when they will long for peace, et quand ils vont vraiment chercher pour la paix, they will sign a 7-year peace treaty. Ils vont signer un traité de 7 ans de paix. A false peace treaty. Et ça va être un faux traité. And you know whom they signed with a false peace treaty? Et celui avec qui ils vont signer, ça va être un faux pour le traité. The Antichrist. Ça va être l'Antichrist. Because you cannot sign peace when you are in peace. Parce que tu ne peux pas signer la paix quand tu es en paix. I want to sign peace with you. Je vais signer la paix avec vous. Because we are in so much peace. Parce que nous sommes entrés en beaucoup d'abondance paix. Non. There must be war for you to sign a peace treaty. Il doit y avoir la guerre pour que vous signiez un traité de paix. I saw some people discussing in the internet. Je vois les gens discuter sur internet. Saying that the man of God said. Ils disent que le nom de Dieu a dit. That the war coming to Iran, the nuclear war, que la guerre nucléaire qui arrive en Iran, that it is post-rupture, que ça va être après l'enlèvement. I said no, I did not say that. Je dis non, je n'ai pas dit cela. I know that when the Lord spoke to me about the aircraft leaving to go strike, je dis que c'est que le Seigneur montré l'avion qui a quitté pour aller attaquer. That morning I called all my team in Nairobi and began to speak with them. Ce matin là, j'ai appelé toute mon équipe. À Nairobi, j'ai commencé à parler avec eux. And I began to speak with them about this war. Et j'ai commencé à parler avec eux de cette guerre. And they recorded me and put it on YouTube. Ils ont enregistré cela, ils ont mis ça à YouTube. I say, j'ai dit, don't wait for this war. N'attendez pas pour cette guerre. Before you prepare for the coming of the Lord. Avant que vous vous préparez pour la venue du Messie. I don't know. Je ne sais pas. Nobody knows the day or the hour. Personne ne connaît le jour ni l'heure. That war might happen before the rapture. Cette guerre peut arriver avant l'enlèvement. Or it might happen after the rapture. Et ça peut arriver après l'enlèvement. But the fact that I found in the internet. Mais le fait que je l'ai trouvé sur l'internet, they were saying that that war is post rapture. Ils disaient que cette guerre est après l'enlèvement. It made me happy also. Ça m'a rendu joyeux aussi. Because I knew that at least they are prepared. Je me dis, au moins ils sont en train de se préparer. They are not waiting for that war first. Ils n'attendent pas cette guerre d'abord. Then they prepare. Après qu'ils se préparent. But after that, I went on radio and I made it very clear. Après cela, je suis allé à la radio, j'ai clarifié cela. Just like Benjamin Netanyahu too. Comme Benjamin Netanyahu too. Some people in the internet began to discuss a very big community, millions of people. Beaucoup de gens, beaucoup de communautés ont commencé à discuter sur internet. They said the man of God said, il dit que l'homme de Dieu a dit, that it will be during the reign of Benjamin Netanyahu. Que ça sera durant le règne de Benjamin Netanyahu. The Messiah will come. Et le Messie va venir. The rapture will happen. Et l'enlèvement aura lieu. I said no. Je dis non. The garment was glorious. Le vêtement est devenu glorieux. And then I saw the second change. Et puis j'ai vu le deuxième changement. Meaning when you see the second change, ça veut dire que quand vous voyez le deuxième changement, you don't have your glorious garment on. Vous devez avoir votre vêtement glorieux sur vous-même. Whether it is during the reign of Benjamin Netanyahu, que ce soit pendant le règne de Benjamin Netanyahu, or after the reign, ou après son règne, that I don't know. Ça, je ne sais pas. But I saw the change. Mais j'ai vu le changement. When I came back, quand je suis revenu, the healer that was sent to speak with me, celui qui était envoyé de parler avec moi, he said, "Behold the Lamb of God." Il dit, voici l'agneau de Dieu. And I saw the Lamb of God. Et j'ai vu l'agneau de Dieu venir. War, war, war, blood, blood, blood. Guerre, guerre, guerre. Le sang, le sang, le sang. You remember what Jesus said? Vous rappelez ce que Jésus a dit? As the second prophecy of the Mount of Olives drinks of water, so you know. Comme la deuxième prophétie. Do you remember what sur le mont des Oliviers? Do you remember what Jesus said? Rappelez-vous de ce que Jésus a dit? On the Mount of Olives, sur le mont des Oliviers. The first one was nobody deceive you. La première prophétie c'était que personne ne vous séduise. The second one was there will be wars and rumors of wars. La deuxième c'est qu'il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, des bruits de guerre. And when the second seal is broken, et quand le deuxième sceau est brisé, then we see the red horse released. Nous voyons le cheval rouge être relâché. Red means blood, bloodshed. Rouge veut dire le sang versé. And when I saw that vision before I gave the prophecy, et quand j'ai vu cette vision avant de donner la prophétie, there is some part I did not share. With you. Il y a des parties que je n'ai pas partagées avec vous. The moon came close to the glory of the throne. La lune est venue proche de la gloire de la gloire de Dieu. And I saw blood covered. Can you sit down, please? Assieds-toi, s'il te plaît. Just leave her, leave her. Leave l'enfant. Laisse l'enfant. The moon appeared next to the glory of the throne. La lune est apparue à côté de la gloire du trône. And I saw blood cover the moon. Et je vis le sang couvrir la lune. You know that the Bible says that the moon is a faithful witness in heaven. Savez-vous que la Bible dit que la lune est un témoin fidèle au ciel? So when I went out to give this prophecy very many years ago, il y a plusieurs années que je suis allé donner cette prophétie. The Lord was saying, look, and the moon has witnessed the bloodshed on the earth. Le Seigneur disait, regarde, la lune a vu le versement du sang sur la terre. The moon. La lune. So you see, the second prophecy is the second horseman. Alors, la deuxième prophétie, c'est le deuxième chevalier. Verse 5 is now for you, the church. Verset 5, c'est maintenant pour vous, l'église. When the Lamb opened the third seal, I had the third living creature say, come. I looked and there before me was a black horse. His rider was holding a pair of scales in his hand. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être blanc qui disait, viens, je regardais et voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Then I heard what sounded like a voice among the four living creatures say, a quart of wheat for a day's wages and three quarts of barley for a day's wages and two not damage the oil and the wine. Et j'entendais au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, il mesure des blés pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Listen to this very carefully. Écoutez ceci attentivement maintenant. How does this define you, the church, the bride of Christ? Cela maintenant décrit, vous décrit vous l'église, l'épouse de Christ. This is the message you want to listen to now. Maintenant, ça c'est le message que vous devez écouter maintenant. Everybody, wake up, wake up, réveillez-vous, réveillez-vous. Wake up now and focus here. Réveillez-vous maintenant, regardez ici. Listen to this message now. Écoutez ce message maintenant. With the Lord. Okay, okay. What up for who? I want you to sit down. I don't have time for you. Asseyez-vous. I really don't have time. Give water to these people. They need to drink water. Give water to the mothers here. Don't low, oh, all. Give all. Make all to the mothers. To the mothers. Don't too low, oh, mama. Yes. No, let them drink. Give them to drink. Let's drink. Drink water. They need water. It's not reason though. The people here don't need water. Les gens ici n'ont pas besoin d'eau. Because they want to enter into heaven. Parce qu'ils doivent rentrer au ciel. Yes. If you sleep, you are a liar. Si tu dors, tu es menteur. Because tomorrow is Sunday. Parce que demain c'est dimanche. My message will be very brief in the two sessions. Mon message sera très bref dans les deux sessions. I'll be summarizing and going on. Je vais résumer et puis je vais partir. This is the message. Ici c'est le message. How does the black horse define the bride of Christ? Comment est-ce que le cheval noir décrit l'épouse de Christ? Listen to what he says here. Écoutez ce qu'il dit ici. He says when the black horse is released. Il dit quand le cheval noir est relâché. Then finally you hear the voice of Jehovah on the throne. Finalement tu entends la tête de cheval à partir du trône. And he's telling the rider. Il dit au chevalier. To bring family to the earth. D'amener la famille sur la terre. And then he's also telling him, et lui dit aussi, that if you find oil and wine, que si tu trouves l'huile et le vin, please protect it. S'il te plaît, protège-le. Safeguard it. Protège, garde cela. Do not destroy it. Ne le détruisez pas. Does somebody understand? Est-ce que quelqu'un me comprend? Two prophecies at once. Il y a deux prophéties en une. In Israel, en Israël, the first century Israel, la première, le premier siècle d'Israël, the affluent people, the rich people, les gens influents, les hommes riches, they live on the mountain. Ils vivent sur les montagnes. And if you look at their diet on the table, et si tu vois leur nourriture sur la table, there was always a choice wine. Il y avait toujours un vin de choix. From a choice winery, a vineyard that is chosen. D'un vignard qui était très bien choisi. A choice wine from a winery, from a choice vineyard. Un vin de choix venant d'un vignard. A select vineyard. D'un vignard choisi. And if you look at the plate, et quand tu regardes le plat, there was a special type of olive oil. Il y a un genre spécial d'huile d'olive. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. They used to take chunks of cheese. Ils devaient prendre chunks of cheese. Les restes de fromage. Very good. And they used to dip in olive oil and leave it there for some time. Ils les laissaient dans l'huile d'olive et les laissaient là-bas pendant longtemps. And the cheese would suck the olive oil. Et le fromage va sucer l'huile d'olive. And when the time for eating arrives, et quand le moment de manger arrive, the table looked like this. La table ressemble à ceci. There was a cloth like this. Il y avait un habit comme celui-ci, which had bread, pita on it, hot bread. Il y a le pita, le pain dessus, hot. C'est très chaud. And it was covered with a cloth. Et le pain chaud est couvert d'un vêtement, d'un tissu. In a table basket. Dans un panier à la table. The choice wine was there in the glass. Le vin choisi était là dans un verre. And then they scooped the cheese. Alors ils coupent le fromage. From the oil, the old special olive oil. Dans le fromage qui est dans l'huile d'olive spéciale. And when they served it on the plate. Et quand ils servent sur le plat. It flooded the plate with some oil. Il remplit le plat avec de l'huile. That was a typical sight. Ça c'était un point particulier. For the rich eating. Pour que les riches sont en train de manger. And anything else, fish, whatever, that was fine. Et le reste, on est fini avec tout ce qu'ils peuvent présenter. That's how the rich people ate. C'est comme ça que les gens riches mangeaient. But they took hot bread. Ils prenaient le pain chaud. And covered the cloth. Et puis couvrent avec le tissu. And when they touch the cheese. Et quand ils touchent le fromage. The bread also soak the oil. Le pain aussi suce le. And they ate it. Et alors ils les mangent. With nice olives. avec l'olive. And then they drank the wine. Alors ils prennent, ils boivent le vin. But if you went among the poor, alors si tu es parmi les pauvres, they look for bread only, mostly bread, and put in the armpits. Et ils cherchent un pain et souvent ils mettent ça sous l'épaule. And they cross the streets. Et ils traversent la rue. And they had bread. What bread is a main staple. Et le pain c'est un pas central. So then they get other food they add, but bread must be cooked, must be afforded. Ils doivent avoir le pain parce qu'avec le pain ils mangent tout. That's why today in Israel the government subsidizes pita bread. C'est pourquoi aujourd'hui en Israël le gouvernement subsidie le pain pita. The Lord is saying here, le Seigneur dit ceci ici, that when he sent the rider of the black horse, quand il a vu le cavalier du cheval noir, he told him, il lui dit, that if you will find those who are barely surviving on bread, si tu rencontres tout ce qui survit avec le pain, those who are in scarcity, ceux qui sont en custodie, tighten things for them, rends les choses dures pour eux, make their condition worse. Rends leur condition difficile. Make sure that one measure of wheat is for the full salary. Sois sûr que le blé, un panier de blé ressemble à un salaire d'un jour. Bring famine to them. Amène la famine à tous ces gens-là. Bring scarcity to them. Amène la souffrance à ces gens-là. But when you find the affluent, mais quand tu rencontres ceux qui sont influents, that are eating oil and drinking wine, ceux qui mangent l'huile et boivent le vin, as you bring the economic crisis, quand tu amènes la crise économique, as you bring the famine, quand tu amènes la famine, protect them, protège ces gens-là, don't destroy them, ne les détruis pas. Wow. I would not clap on that one. That's cruel. It's almost cruel. It's not right. Listen to this now. Écoutez ceci maintenant. What is the message here? Quel est le message ici? If you look globally, si tu regardes globalement, you see nations that have lots of food and they have more. Tu verras il y a des pays qui ont beaucoup de nourriture et qui en ont encore plus. You see those that have less are taken away of nothing now. Vous voyez que les pays qui sont pauvres, on les a encore retraché, ce qui avait son plus pauvre encore. But what is the spiritual meaning of this prophecy? Mais quel est le sens spirituel de cette prophétie? The Lord is saying, le Seigneur dit, that in the days before it comes, c'est dans les jours avant qu'il vienne, there will be two types of churches. Il y aura deux types d'églises. The first type, le premier type, is in Amos chapter 8. C'est dans Amos chapitre 8. Amos chapitre 8, very fast. Amos chapitre 8, rapidement. Amos chapitre 8, verset 11 et 12. Amos chapitre 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11 et 12. Amos chapitre 8, verset 11 à 12. Can I read? Est-ce que je lis? He says, he did. The days are coming, declares the sovereign Lord. Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur l'Éternel. When I will send a famine through the land, où j'enverrai la famine dans le pays, not a famine of food or a thirst for water, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, but the famine of hearing the words of the Lord. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Men will stagger from sea to sea and wander from north to east. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient, searching for the word of the Lord, but they will not find it. Ils seront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Did you understand the famine? Comprenez-vous la famine? The Lord was saying that there will be two types of churches. Le Seigneur disait qu'il y a deux types d'églises. One type, il y a un type, there will be scarcity of the word of God. Il y aura la rareté de la parole de Dieu. A famine, la famine, meaning there is nothing there. Ça veut dire qu'il n'y aura rien là-bas. There is desolation. Il y aura la désolation. The people are going from church to church. Les gens qui vont d'une église à une autre. They listen to the pastor. Ils écoutent le pasteur. Ils disent, ah, still I have not found the word. Non, j'ai pas trouvé la parole. Let me try another church. Laisse-moi essayer une autre église. They reach another church. Ils vont à une autre église. They said that pastor was beginning to preach well. But once the end, he turned it on. The Lord loves a cheerful giver. The Lord loves a cheerful giver. Mais à la fin, il dit, le Seigneur aime et le Seigneur pardonne, le Seigneur aime, le Seigneur pardonne. The Lord loves a giver who is cheerful. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie. The Lord loves a cheerful giver. Le Seigneur donne, aime qui donne avec joie. He was preaching well and then now he changed. Il prêchait bien, mais là il a changé. Then he said, I still have to look for a church. Je dois encore chercher notre église. There is a famine in the land. Il y a une famine dans le pays. The Lord was saying that there will be a church which is like this. Le Seigneur disait, il y aura une église comme celle-ci. And the Lord is saying, if you find this type of church, le Seigneur disait, si tu rencontres une église comme celle-ci, destroy it. Détruis cela. Elle est choquée. She was shocked, you know, she was shocked. Elle est choquée. She cannot believe that. Oui, elle ne peut pas voir cela. Listen to this. Écoutez ceci. And the Lord was saying there will be another church. Le Seigneur disait, il y aura une autre église. Where there will be revival. Là où il y aura le réveil. Where the oil and wine will be flowing. Là où l'huile et les vins vont couler. Meaning the anointing of the Holy Spirit will be flowing. Disant que l'onction du Saint-Esprit va couler. And the wine represents the power of the anointing. Et le vin représente la puissance de l'onction. Where the new oil will be flowing. Là où les vins nouveaux vont couler. And the strong anointing of the new wine will be perfecting. Et l'onction nouveau sort de la nouvelle dimension va couler. And when the pastor preaches the word. Et quand le pasteur va prêcher la parole. He preaches righteousness. Il prêche la justice. Repentance. La repentance. Holiness. La sainteté. Kingdom of God. Le royaume de Dieu. Fire is coming. Le Messie arrive. Revival. Le réveil. Unification. La purification. When they leave the church, quand ils vont quitter l'église, they said, oh, ils ont dit, oh, it touched my heart. Il a touché mon cœur. Amen, amen. Two types of churches. Il y a deux types d'église. You remember the book of Matthew 25. Rappelez-vous le livre de Matthieu 25. Matthew 25, verse 11, verse 1 to 13. Matthieu 25. Le verset 1 au verset 13. He says this. Il dit ceci. Matthew 25. Matthieu 25. Verses 1 to 13. Verset 1 à 13. Can I read? Est-ce que je peux lire? He says. Il dit. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 of them were foolish. 5 d'entre elles étaient folles. And 5 were wise. Et 5 sages. The foolish ones took their lamps and did not take any oil with them. Les folles apprenaient leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. The wise, however, took their lamps and took their lamps. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Can I read up to the end? Est-ce que je peux jusqu'à la fin? He says. Il dit. He says. The bridegroom was long time in coming, and they became drowsy and they fell asleep. Comme les époux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. At midnight, the cry rang out. Au milieu de la nuit, on cria. Here's the bridegroom, come out to meet him. Voici l'époux, allez à sa rencontre. And all the virgins woke up and trimmed their lamps. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. The foolish ones said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Les petits otages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. No, they replied. There may not be enough for both us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. But while they were on the way to buy oil, the bridegroom arrived. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. The virgins who were ready went in with him into the wedding banquet. Ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui dans la salle de noces. And the door was shut. Et la porte fut fermée. In Spanish they say. En espagnol ils disent, Señor cerró la puerta. Señor cerró la puerta. No, Señor cerró la puerta. Señor cerró la puerta. Is, and the Lord himself shut the door. Meaning, que me dice que el Señor me cerró la puerta. Because he says here, and the door was shut. Parce qu'il dit, et la porte fut fermée. But Spanish is beautiful in Portuguese. La espagnol c'est pas même en portugais. They say, he say, Señor cerró la puerta. The Lord shut the door. Et le Seigneur ferma la porte. Hein? Hein? When he shut the door, what do you see? Quand il ferme la porte, qu'est-ce que vous voyez? Later the others came, sir, sir. They say, open the door for us. Plus tard les autres vinrent, yes, vinrent, et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. But he replied, mais il répondit, I tell you the truth. Je vous le dis vérité. I do not know you. Je ne vous connais pas. Did you understand what the rider of the black horse is coming to do? Comprenez-vous ce que le cavalier du cheval noir vient faire? Finally, the voice of God inside the throne speaks. Finalement, la voix de Dieu à l'intérieur du trône a parlé. And he says, quand il dit, if you meet the church that has no oil, quand tu rencontres l'église qui n'a pas d'huile, shut the door of the church. Ferme la porte de cette église. Amen. The church of corruption. L'église de la corruption. If you meet the church that is buying oil on television, buying oil, buying oil. Quand tu vois l'église qui achète l'huile à la télévision, achetez-l'huile, achetez-l'huile. Shut the door of that corruption. Ferme la porte de cette église corrompue. The truth. Now you understand it, right? Maintenant vous comprenez cela. Yeah. But if you meet the church that is flowing in the new anointing, make revival. Quand vous rencontrez l'église qui coule dans la nouvelle onction, se réveille. With the power of the new anointing. Avec la puissance de la nouvelle onction. Protect the church. Protège cette église. The church in affluence. L'église en affluence. The church with plenty. L'église va planter. With revival. Avec réveil. Protect her. Protect cette église. That is the bride of Christ. Ça, c'est l'épouse de Christ. Amen. I told you. Je vous ai dit. That today is today. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. The truth must be spoken here. La vérité doit être dite ici. Amen. So my question to you is this. Ma question pour vous est celle-ci. What church are you? That quelle église êtes-vous? Oh, there you go. Uh-huh. Because the Lord is saying, parce que le Seigneur dit, that only the oil and wine church. Seulement l'église qui a l'huile et le vin. That is the bride of Christ. C'est ça qui est l'épouse de Christ. When I say, I saw her worshiping before the Lord. Quand je dis, je l'ai vu en train d'adorer devant le Seigneur. It means, ça veut dire, the oil and wine church entered. L'église qui a l'huile et le vin est entrée. Are you a church where you are pretending to be apostles and prophets? Êtes-vous l'église où vous prétendez être apôtres et prophètes? Which means the Holy Spirit is not flowing in that church. Ça veut dire que l'onction du Saint-Esprit ne coule pas dans cette église. Because when the Holy Spirit flows, là où l'onction du Saint-Esprit coule, He brings the truth into the church. Il amène la vérité dans l'église. He brings the wisdom of God in the church. Il amène la sagesse de Dieu dans l'église. Which means the fear of the Lord in the church. Ça veut dire la crainte de Dieu dans l'église. You cannot just wake up and say, I am apostle. Tu ne peux pas juste arriver et dire, je suis un apôtre. That type of church, ce genre d'église, where the pastor just says, today I'm apostle. Là où le pasteur se dit, je suis un apôtre. The instruction has been given out. L'instruction a été donnée. When you see that church, quand vous voyez cette église, shut the door of that church. Ferme la porte de cette église. But when you see the church, mais quand tu vois l'église, where the pastor is preaching the holy word, car le pasteur prêche la parole pure, righteousness, la justice, rebuking women who are in tight shoulders, réprimandant les femmes qui s'habillent mal. If first of all, en fait, if you see a church where the pastor allows women to enter with tight shoulders here, quand tu permets. Tu vois un pasteur qui permet aux femmes de rentrer avec des pantalons serrés. Shut the door of the church. Ferme la porte de cette église-là. That is not the bride of Christ. Ce n'est pas l'épouse de Christ. The moment of truth. L'heure de la vérité. If you see the church, si where the pastor allows women to enter with tight trousers, sit in front like this. Quand tu vois le pasteur permettre aux femmes qui ont des pantalons, se mettre des boules les gens ouverts. That is not the bride of Christ. Shut the door. Ce n'est pas la bouche de Christ. Shut the door. Yes. Oui. Are we beginning to talk now? Est-ce qu'on a commencé à parler maintenant? I don't come here that you may fundraise for me, so I take money to Africa. Je ne suis pas ici pour que vous ayez levé l'argent pour moi pour que j'amène l'argent en Afrique. Leave me alone. Laissez-moi en part. Prepare for the king. Préparez-vous pour le roi. If you see the church, see where it is. When the worship team at midnight, they are calling each other. Où le choriste à minuit se parle au téléphone. You know, I like the way you worship today. Oh, j'aime comment tu as chanté aujourd'hui. What are you doing now in your house? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta maison? I'm just here. I was just planning to cook. I'm just here talking. Moi, je suis juste, là. Je parle avec vous. If you see that church, si tu vois cette église-là, and the pastor cannot detect that there is sin there, et le pasteur ne peut pas détecter qu'il y a le péché là-bas, shut the door on that church. Ferme la porte de cette église. That is not the bride of Christ. Ce n'est pas l'épouse de Christ. If you see the church where women come to show their breasts, and the pastor cannot rebuke them, and they're in the church from January to January, and they're not delivered, when you look at them, their eyes are hot for immorality. Shut the door on that church. That is not the price. No, the kingdom of God is not a joke. No, le royaume de Dieu n'est pas un jeu. I am finishing my job in Canada. Je finis mon travail au Canada. I am rushing to Venezuela. Is bigger than more than 70. Not Colombia. More than 70,000 in one stadium. La Colombie c'est plus de 70,000 personnes dans un stade. It's a healing service. I need to go into prayer fasting right away. Je dois partir rentrer dans les jeunes et puis aller faire le service. I'm running there. Je cours pour là-bas. But I must finish with Canada. Mais je dois finir avec le Canada. The churches that are not here. L'église qui n'est pas ici. I don't know how to help them. Je ne sais pas comment les aider. When you ask me, did you reach, when the Lord asked me, did you reach Canada? Si le Seigneur demande, as-tu été à Canada? I'll say, yes, Lord. Je dirai, oui, Seigneur. I reached the nation of Canada. J'ai rencontré la nation du Canada. You are the nation of Canada. Vous êtes la nation du Canada. Worship team, have you heard today? Like it as well, have you heard today? Clean out the immorality from the eyes. Enlever l'immoralité de vos yeux. When you see a church, quand vous voyez une église, where there is abortion in the church, quand il y a des avortements dans l'église, shut the door. Ferme la porte. That is not the bride. Ce n'est pas l'épouse. When you see a church, quand vous voyez une église, where there are people in the church, quand il y a des gens dans l'église, living wife and living woman and man, les hommes vivant avec les femmes, not married, pas marié, shut the door. Ferme la porte. That is not the bride. Ce n'est pas l'épouse. I need to finish. Je dois finir. The fourth seal, le quatrième sceau, that's the prophecy on the floor, South Africa, on the airport floor. Ça, c'est la prophétie à l'Afrique du Sud quand je couchais par terre. When I hear the prophecy of the bloodshed, the death, the fact death, the rider is called death. Quand j'ai donné la prophétie du cavalier qui s'appelle la mort, the death that was coming, la mort qui arrivait. And then immediately I started seeing the armies, the big armies in countries, driving to a neighborhood to apartment buildings and bombing. Il y a des grandes armées allant dans des grands quartiers dans les appartements et bombarder. And killing. Et tuer. And dead bodies every day. Il y a des morts chaque jour qu'on transporte. Until today. Jusqu'à ce jour. But I'm talking about this one here, the third one. Mais je suis en train de parler du troisième ici, celui-ci là. When you see a church, quand tu vois une église, where the pastor fears, quand le pasteur a peur, that if I preach strong, si je prêche fortement, that they run away. Ils vont fuir l'église. And when you preach strong, quand tu parles fortement, they say, pastor, me, I'm gone. Et il dit, ah, pasteur, je quitte l'église. Hey, where are you going? Oh, tu vas où? I'm going to the church of your enemy just across the street. Je vais à l'église de tes ennemis juste à face de la rue. I'm going to give him my offering. Je vais lui donner mon offrande. If you see a church, si tu vois une église, where the pastor is preaching, quand le pasteur prêche, and people are getting up, et les hommes se lèvent, and with anger, avec colère, pulling the babies, il prend les bébés. Hey, where are you going? Hey, vous partez où? No, me, I'm gone. Non, moi, je quitte. I'm going to another church. Je pars à une autre église. And when she reaches there, you hear rumors. Et quand il arrive à l'autre église, ça entend de lui-même. She gave a very big offering. Il donne grande offrande là-bas. If you see that church, si tu vois cette église, where they're abandoning the pastor, où ils abandonnent le pasteur, protect that church. I want to kill you. After ta femme va chercher te tuer. When you come home, say, no, I don't know what you're doing, the church. You're destroying the church. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu es en train de détruire l'église. You are hurting the sheep. Tu es en train de détruire les brebis. Now another family has left. Maintenant, il y a une famille qui a quitté. Now you see, I don't know what's wrong with you. You have destroyed a beautiful church. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Tu as détruit une belle église. There are few people remaining and the few people are not happy. Les peu de gens sont restés mais ils sont même pas contents. If you see that type of church, si tu vois ce genre d'église, where the husband and wife begin to fight, quand le monsieur et sa femme commencent à se battre, protect that church. Protège cette église. That is the bride of Christ. C'est là c'est l'épouse de Christ. That is the oil and wine church. Ça c'est l'église de lui et du vin. Because when you preach righteousness, that is preach la justice, righteousness, la sainteté, righteousness, la justice, what will happen? The Holy Spirit will visit the church. And what will happen? Qu'est-ce qui va arriver? How many members do you have now? Combien de membres avez-vous maintenant? More than 7,000. Plus de 7,000 membres. Dans une seule église. There are many like that. Many, many other il y a beaucoup plus d'églises comme ça. Because in the beginning they say, parce que depuis ils ont dit, the dark man's message can destroy a church. Le message de ce temps peut détruire l'église. He's beating the sheep. Boom, boom, very hard. Il est en train de fouiller les bébés. Boom, boom, boom. Durement, il frappe les bébés durement. He's hurting the sheep. Il est en train de faire mal aux bébés. But I told them. Mais je leur ai dit, I am loving the sheep. Je suis en train d'aimer les brebis. And I told them, et je leur ai dit, I am destroying the walls of the church. I'm je suis en train de détruire les murs de l'église. Demolition. Je suis en train de détruire. And they said, how can you say such a thing? Ils disent, mais comment peux-tu dire telle chose? Did you destroy the walls? Avez-vous brisé les murs? Yes, every other day we are. And recently, oh, 3 weeks ago, il y a 3 semaines à peu près, you stopped building the wall. Now it's a tent. You keep changing. Arrêtez de bâtir le temple, c'est le temple maintenant. And we doubled the tent. On a doublé le temple, la tente. And the first weekend, le premier weekend, more than 3,000 members came. Plus de 3,000 personnes sont arrivées. And listen to this. Écoutez ceci. How do they know that they need more help? Comment ils savent qu'ils ont besoin de plus d'aide? They normally say, it is because some people were standing today. Parce que les gens se mettaient debout aujourd'hui. Next Sunday, can you bring us 200 more chairs? Le dimanche, je peux vous amener 200 chairs de plus. When they bring the 200 chairs next Sunday, quand le dimanche prochain, ils amènent 200 chairs de plus, they will all be full and some people stand again. Ça va être tout rempli encore, d'autres personnes encore debout. Like that, like that, like that. Il faut comme ça, comme ça, comme ça. Because with my prophetic tongue, parce qu'avec ma bouche prophétique, I destroy the world. J'ai détruit le monde. J'ai détruit le mur. I destroy the world. J'ai détruit le mur. And you will see righteousness. Et vous allez voir la justice. And then you will see. Et vous allez voir the Holy Spirit visiting. Le Saint-Esprit visité. You will hear stories. Vous allez entendre des histoires. They call me. Il m'appelle. Man of God. L'homme de Dieu. Even the demons are running away from us. Même les démons fuient de nous. I said, are they? Je dis, ah bon? Yes, they are running away. Ils fuient, les démons fuient maintenant. C'est trop tellement. Il dit, chassez-les encore plus. He called me. Il m'a appelé. Man of God, the church is full. L'homme de Dieu, l'église est pleine. How full is it? It's very, very full. There are more people outside. Tellement y a plus de gens dehors qu'à l'intérieur. Let's destroy the world. J'ai dit, mais alors détruisez les murs. When you destroy it. Quand ils ont brisé les murs. Now it's a very big tent. Maintenant c'est un grand tent. Every time people come there, it's empty. Chaque fois que les gens arrivent, ils étendent la tente. When you're preaching, you think you're preaching in a crusade. Quand tu prêches, il y a l'impression que tu prêches en une croisade. 7,000 plus. Plus de 7,000 personnes. Nowhere to park the cars. Il n'y a pas d'espace pour garer les voitures. There's no space for parking. Il n'y a plus d'espace pour les parking. They have a problem with space. Ils ont un problème avec l'espace. When you preach righteousness, quand vous prêchez la justice, and they begin to walk away, et commencent à sortir de l'église, that is a good sign. Ça c'est un bon signe. When you preach righteousness, quand tu prêches la justice de Dieu, and they walk away, et qu'ils s'en vont, the Holy Spirit, le Saint Esprit, will come back. Il va revenir. And flood the church. Il va remplir l'église. And prove God right. Et va tout marcher bien. He will prove God right. Il va prouver que Dieu a raison. This is the bride of Christ. C'est l'épouse de Christ. That's why he said, when you see those who have no revival, c'est pourquoi si vous voyez ceux qui n'ont pas de réveil, they don't have revival of the Holy Ghost. Ils n'ont pas le réveil du Saint Esprit. They are faking here. Thou sayest the Lord. Ils ont fait des faits semblants et c'est pas le Seigneur. Thou sayest the Lord. Et c'est pas le Seigneur. Canada, I love you. Canada, je vous aime. Canada, don't worry, you are in my hands. Canada, vous êtes pas vous êtes dans ma main. If you hear that nonsense, si vous entendez cette nonsense, shut the door. Ferme la porte. That is not the bride. Ce n'est pas l'épouse. C'est pour nous. Lift up your hands and repeat this prayer very loud. Levez les mains, répétez cette prière à haute voix. The mighty Lord Jesus. Le puissant Seigneur Jésus. Let us begin with English and then the French. Commençons par l'anglais et puis les francophones vont répéter après les anglophones. The mighty Lord Jesus. Mighty Lord Jesus. Puissant Seigneur Jésus. I have heard your word. I have heard your word. J'ai entendu ta parole. Make me a new vessel. Fais-moi un nouveau canal. The vessel of the Holy Spirit. Un canal du Saint-Esprit. I repent today. Je me repens aujourd'hui. And turn away from all sin. Et me détourne de tout péché. Please purify me. S'il te plaît, purifie-moi. And fill me with the oil and wine. Et remplis-moi de l'huile et du vin. And establish holiness. Et établis la sainteté. And righteousness. Et la droiture. in my life. Dans ma vie. And write my name. Et écris mon nom. In the book of life. Dans le livre de vie. Of the Lamb of God. De l'agneau de Dieu. In the mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Today. Aujourd'hui. I cross over. Je traverse. From death to life. De la mort à la vie. Eternal life. La vie éternelle. Amen. Sur la grande porte, plus fort que ça. Gloire à l'agneau de Dieu. Wow. Wow. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon. Alléluia. Qui a été béni ce soir? Wow, le Seigneur est bon. Nous sommes bénis. Et nous sommes reconnaissants devant notre Dieu ce soir. Le Seigneur a parlé sur chacun de nous. Et c'était vraiment le moment que Dieu a choisi pour nous parler. Alléluia. Donc rapidement, je vais donner encore le programme pour demain. So quickly, I'm going to give the program for tomorrow. Demain, nous sommes ici à partir de 10h30.